Et bonsoir, bienvenue à tout le monde. On est dans la boîte à gants, épisode 13. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, même si j'ai l'impression de dire ça un peu à chaque fois. On va interviewer un groupe de musique qui fait du punk, mais aujourd'hui, moi je vais laisser un peu les rênes, puisque c'est Bichente qui avait envie d'interviewer ce groupe. Alors, tu vas nous les présenter. Mais déjà, salut Bichente, ça va? Mais bonjour Mathilde, ça va et toi? Ben, ça va fort bien. On est là avec deux invités, est-ce que tu nous les présenterais pas? Eh bien, donc, oui, on est avec deux invités donc, du groupe Aosakil Connection. Donc on a Matino Ronas à la voix et Olivier Arrozarene à la guitare, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça. Impeccable. Et donc le groupe est composé de deux autres membres, de Mikael Inda et de Arnaud Arrozarene. C'est exact? C'est tout juste. Ok. Donc est-ce que déjà vous pouvez commencer par un petit peu présenter le groupe, nous dire ce que vous avez fait avant et qu'est-ce que vous faites? On peut commencer par présenter, dire que Aosakil Connection est un groupe de punk qui a quoi, quelques années maintenant, 2-3 ans? Papa ou ouais. Plus, premier concert, c'était à Sarre, il me semble. On va en parler après, mais quoi, ça, l'idée à 5 ans et la réalisation à 4 ans, quelque chose comme ça? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. On avait commencé à faire de la musique comme ça pour s'occuper les dimanches plus vieux. Et puis après, l'idée de monter un groupe, d'abord à 3, puis à 4. Ouais. Vous avez commencé à 3 et après vous étiez à 4. Donc. Ouais. Et qui n'était pas là au début? Eh bien, en fait, on a commencé, Matine et puis Arnaud et moi. C'était juste, voilà, comme il a dit, c'est juste pour s'amuser un petit peu comme ça parce qu'on aimait la musique. Et après, on a eu la possibilité de faire un petit concert là, sur un petit défi qu'on s'était mis. Et de là, ça a enchaîné 2-3 concerts par la suite, comme ça. Okay. Et pour y mettre un peu plus de punch à notre musique, on avait décidé de rentrer un bassiste. Ok. Voilà. Et en fait, Arnaud... Parce qu'à la base, c'était juste batterie, guitare, voix. Voilà. Ouais. C'est ça. On avait commencé le groupe, on cherchait un guitariste ou un bassiste. Mm-hmm. Parce que moi, auparavant, je jouais dans un autre groupe, je jouais de la basse. Et on avait fait une petite annonce comme ça, chercher soit un guitariste et bassiste. Et comme il n'y avait personne qui venait, ben, je lui ai dit, je prends la guitare. Puis on va commencer comme ça, puis après on verra. Parce que à la basse, toi, t'es guitariste, mais t'as joué de la basse, ou c'est l'inverse? En fait, je suis rien du tout. Je suis arrivé habiter dans mon village à Soamode où j'habite, et il manquait un bassiste pour compléter un groupe. Mm-hmm. Donc il m'avait proposé, j'ai dit ouais, ok. Puis j'ai commencé à jouer comme ça. Tu jouais rien avant? La guitare un peu quand j'étais jeune, quoi, voilà. Et puis donc voilà, j'avais pris la guitare en attendant que quelqu'un arrive, mais jamais personne n'est venu. Donc, Du coup le batteur Arnaud est passé à la basse. Il voulait jouer de la basse. D'accord. Changement d'avis. Donc on a cherché un batteur. Et on a trouvé un batteur. C'était plus simple. Apparemment. C'est toujours la galère de trouver des bassistes. Donc, moi aussi j'ai eu cherché pendant longtemps et il n'y en a pas. Quoi. Ou alors quand il y en a, ils ont déjà 4 groupes. C'est ça. Et ils sont déjà surbookés. Moi qui ne fais absolument pas de musique, j'aimerais savoir déjà le nombre de fois on m'a demandé. Tu joues pas de la basse, toi? Déjà, toi, Mathine. Tu serais bien, toi, en bassiste. Bah, ça me casse les couilles d'apprendre à jouer. Déjà, j'ai essayé une fois avec Oshka et je me suis éclaté les doigts. Donc, je sais pas comment. Le médiator. Ouais, mais. Ouais, les autres, mais quoi, même. La main gauche, moi. Ah, la main gauche. Ouais, j'ai des petits doigts d'enfant, moi. Travailler un peu, il faut chauffer la main un peu là et. Et toi, Mathine, comment t'es arrivé du coup à chanter? C'est une vocation ou... C'est pas du tout une vocation, c'est un accident, non, je sais pas. J'ai toujours aimé chanter, mais nos chants traditionnels, ouais. Nouchkala, qu'on chante au bar ou après manger, en général. Ça fait un peu, folklore. Pour ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est puis, là vient le rock. Et Olivier, voilà, il voulait faire ça. Il me disait toujours, mais oui, t'as quelque chose. Bon, oui. J'avais quelque chose apparemment. Bah, il a eu le nez creux sur ce coup-là. Oui. On peut dire ça. C'est vrai qu'on est monté en flèche. Et puis comme ça, on a commencé à jouer un peu. Et puis voilà, le défi de monter un groupe pour un concert. Et puis... C'était quoi ce défi comment est-ce qu'on reçoit un défi pareil? Si on n'a pas de groupe déjà, comment... Un peu parce que tu te le lances toi-même. D'accord. Et en fait, c'est quoi? C'est un de vous qui avait l'occasion de jouer dans un concert parce que vous organisiez et du coup... Parce qu'en fait, on était bourrés. Bon, tout le long de l'interview, je pense qu'il y a souvent de l'alcool dans l'histoire. Quand tous les débuts du groupe. Et des défis. Et on était partis voir Anesthesia, un concert à Durango. Et on était tombé sur les jeunes du Gasteche de Chala. Mm-hmm. Et on leur avait, en discutant, c'était l'anniversaire du Gasteche, ben, du coup, 10 mois plus tard, je crois. C'était en décembre et l'anniversaire, c'était en octobre, c'était ça. Et puis, évidemment, bourré, nous, on va monter un groupe et on va jouer. OK. Mais vous saviez où jouer ? Ben, du coup, pour l'anniversaire du Gasteche. D'accord. Donc, c'était parti. Et puis, le lendemain, quand on s'est réveillé, il y avait la gueule déchirée dans le camion. Bon, mais maintenant, il faut y aller. Ouais. Et puis, on est y allé. Ah, ça me fait penser à Cambo, il y a eu la même histoire. Bon, Gay Sorti, c'était exactement pareil pour les fêtes de Cambo. Je crois, 2 semaines avant, ils se sont dit il manque un concert le lundi soir au Gasteche. Ben nous, on va jouer. Donc, du coup, ils avaient commencé à jouer comme ça. Mais je crois qu'ils avaient monté le groupe en 2 semaines, ils avaient fait un concert de reprise. Gay Sorti, j'avais oublié ça. Il y a eu Reggae Sorti après. Ouais. Qui faisait les reprises. Il y a eu les Marseillais de l'extrême au milieu. Ils ont fait Marseillais de l'extrême. Ouais, ils ont fait des chansons paillardes. C'est déjà pas mal pour la présentation du groupe. Je vous propose d'écouter peut-être un peu à quoi ça ressemble. Mm-hmm. Alors moi j'ai choisi d'écouter Acab parce que c'est une chanson que j'aime bien de votre album. Donc Matini, si tu peux lancer. Ben, c'est parti, on écoute Acab de Ausakil Connection. Donc c'était Ausakil Connection, Acab. Ma prochaine question allait arriver, c'était est-ce que faire des compos était votre but de base, mais on a discuté un petit peu pendant la chanson et il paraît qu'elle n'est pas de vous cette chanson. ça faut pas rien dire. C'est le coup. Non, ça c'est voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il fallait qu'on fasse un concert, donc on a commencé à faire. Des repiques, là on reprend les chansons. Repiques en masse, c'est repiques, c'est reprise. Reprise. Ça se comprend, ça. Bon, ils ont compris. Du coup, après le concert, là vous êtes à 3 pour l'instant. Ouais, et en fait, on a commencé voilà, à faire des reprises. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était pas chanter, on voulait chanter en jusqu'à là. Et donc, on prenait les musiques et soit on traduisait, soit on écrivait des. Voilà, soit on traduisait, soit on écrivait des paroles. Ouais, et là, en gardant la mélodie. Ouais, voilà. Vous gardez la mélodie et vous prenez. Donc là, il commence avec ça. Et en fait, quand on a fait, on a commencé à jouer plus sérieusement, il y avait des chansons qui nous plaisaient bien, des musiques qui nous plaisaient bien, et puis les paroles qui allaient bien avec. Donc celle-là, on avait décidé de la garder. C'est de qui ça, du coup? Ça, c'est de A Million de Sniffers. Oui, j'ai découvert ça très récemment d'ailleurs. C'est très très bien. Ouais, c'est très très bon. Très très bon. Très très bien, très très bon. Et ils sont d'où? Australien. Et du coup, là, vous avez traduit les paroles d'Australie? Pas du tout. Pas du tout. C'est Matine qui a fait les paroles. D'accord. Ah oui, donc c'est pas totalement. C'est une adaptation. C'est une adaptation, quoi. C'est une adaptation, tout à fait. Okay. Mais comme la chanson elle est engagée et que les paroles aussi, les connaisseurs savent ce que ça veut dire. J'ai une certaine rage contre ces gens-là. Hein, méfiez-vous des gens qui sont habillés par les autres. Je pense qu'en écoutant la chanson, même les Français ont compris le sens de la chanson. Le titre. Voilà. Ça parle de répression et qui dure depuis des années, des années, des années, qui aujourd'hui est toujours là, puis on le voit souvent. Qui est la police est là. Qui est d'autant plus d'actualité d'ailleurs. Moi qui n'y connais absolument rien, parce que je fais partie d'aucun groupe, rien du tout, comment vous composez, vous? Est-ce que vous écrivez les mélodies? Est-ce que, en avance, est-ce que vous écrivez les textes d'abord? Ou comment ça se passe? Qui écrit quoi, d'ailleurs, d'abord? Quand on a fait pour le premier disque, là, le premier, c'est le seul qu'on a fait. Ah, donc il y en a d'autres dans les tuyaux. Mais là, en fait, chacun avait ses petites idées dans la tête, là. Arnaud, moi, et puis Matine avait écrit quelques paroles. D'ailleurs, Arnaud qui était à la batterie, qui est passé à la basse, du coup, à la batterie, c'est Michelinda. C'est ça, comment vous l'avez recruté Il était là, par terre, on l'a ramassé. C'est le seul qui a postulé. Et ça a matché. Okay. C'est une symbiose, quoi. Ça s'est très bien passé d'entrée. Ouais, ouais, il est arrivé, il avait appris tous les morceaux, il a bossé, puis voilà. Ça s'est fait très bien, naturellement. Bon, depuis, il branle rien, mais bon. À ce moment-là, vous aviez déjà des compos quand il est entré, ou c'est avec lui que vous avez commencé à réfléchir à ça? On en avait quelques-unes. On en avait quelques-unes, ouais. Kichou l'avait, notamment. Quelques-unes, mais en fait, il est rentré, et c'était juste avant le confinement. Mm-hmm. Où ça commençait, quand où c'est juste, voilà, ça commençait. Par là, quoi. Donc ça fait qu'après, quand il est rentré, on a appris tous les morceaux qu'on avait appris, et puis on a commencé, mais comme il n'y avait rien, on ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas de concert, il n'y avait rien, mais on a décidé de faire nos chansons parce qu'on avait nos idées aussi, donc on a commencé à composer pendant ce confinement de merde. À arrêter les répliques et à faire des compos. Les répliques. Et du coup, qui c'est qui écrit les textes? Sur le premier CD, il y a 10 chansons, je crois. Oui, 10. Ouais. Sur le deuxième? Je sais pas. Je sais que c'est ton piège, je vais essayer ça. Il est en cours. Y a, sur les 10 chansons, la moitié c'est moi qui les ai écrites. Ok. Mais elles sont très terre à terre, si on peut dire. Ouais. Et les belles chansons bien écrites, elles sont de gens. De pas de nous. De pas d'accord. De nous. Ouais, vous avez des amis. Ok. Des gens qui écrivent, qui lisent plus que nous. Et qui vous envoient des chansons. Qui ont plus de tête. Qui réfléchissent mieux. Et qui pensent bien. Et puis après, voilà, on trouve la chanson. Très composé ensemble, on répète comme ça. Ouais. Bah souvent, c'est Arnaud quand même qui compose, je pense. Ouais. Arnaud et Olive, de toute façon, ceux qui composent les mélodies. Ok. Puis après, ils bataillent pendant les répètes. Où on fait des soit on fait des répètes ou on répète pour les concerts, soit on cherche des nouvelles chansons. On fait déjà chacun avec ses petits trucs de son côté. Et puis après, des fois, il y a un petit plan qui sort là, dans une répète. Et puis on commence à batailler. Et puis on rajoute. Et puis après, quand on rentre à la maison, on bosse avec ça un petit peu. Et pour la répète d'après, il y a quelque chose qui vient. Ça part un peu en tous les sens. Hein. Des fois, on a eu fait aussi pour une chanson, on avait composé la mélodie. C'est Arnaud qui l'avait composé, ou Uli Belzac par exemple. Et on avait donné les paroles à... On avait donné une feuille avec le nombre de syllabes. C'est pour rentrer bien, parce comme que du coup, on voulait. Toi, j'imagine que tu as trouvé la mélodie à la voix et ça, il fallait donner... Du yaourt, comme on dit. Ouais. On avait envoyé à Rocher qui avait écrit des paroles toutes simples. Quelqu'un, vous l'enregistrez, vous l'envoyez à quelqu'un ou même pas juste... Ouais, je juste, crois qu'on avait enregistré, ouais. Je sais plus trop. Ah, j'en voulais pas, ouais. Il me semble que oui. Ça devait être joli, nanana. Puis voilà, il nous avait écrit. Tout le monde fait ça, t'inquiète pas, tout le monde fait ça. C'est vrai. Moi, je sors pas de là, donc j'en sais rien. Tout le monde fait ça et tout le monde donne des noms bizarres aux chansons avant de trouver le nom définitif. On a tous donné des trucs comme ça. Je sais que Benyadine d'Asparin qui jouait dans, j'ai oublié, il y avait des noms genre Gojira et trucs comme ça, quoi. Au début, tu sais pas ce que tu vas dire. Ouais. Tu donnes des noms à la con. Mais toi aussi, tu m'as envoyé des chansons des fois, Mathilde. Ouais, moi j'ai décidé que le premier nom que je donnais, maintenant, c'était le nom définitif. Okay. Donc ça n'a plus rien à voir entre le nom et après les textes qui sont écrits 2 ans après. Mais du coup, j'ai décidé. Mais là, du coup, je fais un peu plus gaffe au nom que je donne en début. Et du coup, Mathilde, ça te fait. Tu préfères chanter tes compos ou tu préfères chanter les chansons des autres? Est-ce que c'est dur d'incarner une chanson que quelqu'un d'autre a écrite? Non, parce que... Écrite. Ouais. Non, parce que c'est moi qui fais la mélodie en général. Ouais. Ou toujours même. Des paroles, en fonction de la musique, évidemment. Donc, non, ça passe. Okay. Non. Mais déjà, si tu comprends bien le texte, oui. Tu rentres bien dans la chanson. Oui, après, je veux dire, dans tous les cas, quand on écoute l'album, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de chansons qui sortent de votre... qui sortent de votre style, vous avez quand même votre créneau. Bon, enfin, il y a pas mal de chansons un peu différentes. Hein, quand même. Oui, mais... En fait, comment on commençait? On a pris tout ce qu'on avait, on a mis dans tout le CD. Tout ce qui venait, c'est... Ouais. Donc il n'y a pas deux chansons qui sont pareilles. Quoi. Bon, alors c'est Mathilde qui incarne très bien, sûrement. Bon, après l'idée quand même du départ, c'était de... Que ça castagne. C'était musicalement que ça castagne, et l'idée c'est toujours de dénoncer la situation politique et sociale qu'on vient aux galeries et de faire réagir un peu la génération qui suit des plus jeunes qui sont de plus en plus mous. Ouais. Ça fait vieux. Ça fait boomer même. Et voilà. Non mais c'est vrai, quand certains, tu dis voilà, c'est bon, et sortez-vous du cul un peu, bougez-vous pour notre société là. Ouais. Et c'est un peu ça l'idée de faire réagir, de continuer de faire vivre aux plus jeunes ce que nous on a vécu à l'époque où ça bougeait beaucoup avec les autres groupes. Quoi. Justement, du coup, c'est quoi vos influences? Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, dans vos chansons, moi, qui me font penser à plein de petites choses qui me font penser à plein d'autres groupes. Mais je n'arrive pas à vous définir. Je ne me dis pas, bon, mais eux, ils font du cortato, ils font du la polla. Vous avez pris un peu de tout ça. Mais quand vous composez, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez, est-ce que vous dites, est-ce qu'on aimerait tendre vers ci, tendre vers ça? Non. Non ? Parce qu'il y a quand même une base qui est marquée, vous avez des textes politiques, vous avez... Il y a un peu de pop-punk aussi à l'américaine. Il y a quoi ? Un peu de pop-punk américaine. Dans la Green mélodie. Green Day, Springs, tout ça. Sur. Je sais pas si c'est un compliment. est-ce que vous y pensez ou est-ce non, que... Non, après, voilà ce qu'on me dit, ce qu'on aime quand ça castagne, quoi. Alors après... Bon, après, au tout début, on était parti sur quasiment que des reprises de The Hives. Alors, est-ce que ça y a joué aussi Parce que j'ai pas l'impression qu'on ressemble trop aux Hives non plus. Non. Mais... Après, c'est, voilà, c'est, au début, c'est ce qui nous avait inspiré beaucoup. Ouais. D'accord. Je connais pas bien, moi, The Hives. tout bien, mais ouais, pas des masses non plus. Je sais que Rochka est très fan. Ouais, mais ça me tente pas. En fait, on a une batterie qui castagne pas mal. Ouais. Et la basse qui a pas mal de mélodies et qui est assez puissante. Ouais. Donc après, en niveau guitare, j'en mets pas trop. Je mets juste des sons un peu lourds comme ça, mais... Mm-hmm. En fait, c'est ce que j'aime bien personnellement aussi, c'est que voilà, il y a la basse qui sort bien. Mm-hmm. J'aime bien dans les groupes, moi, quand la basse sort assez importante. Et là, on a fait ça un peu comme ça, le premier album. Mais... Entre le moment où on compose la chanson et le moment final où on décide qu'on la touche plus, la basse, elle évolue beaucoup. Enfin, il garde toujours une même base, mais après il rajoute beaucoup de mélodies où il monte dans les aigus. C'est très basé sur la basse en fait. plutôt que sur la guitare. Souvent, c'est le guitariste qui compose et du coup, on part sur des trucs de guitare. Là, vous disiez que c'est Arnaud, donc le bassiste, qui composait pas mal. Il compose à la basse. Du coup, il pense d'abord à la basse et le reste vient derrière après. Non, il sort un truc à la basse. Après, moi, je mets quelque chose par derrière la guitare. Donc c'est vraiment composé à la basse, quoi. C'est quand même assez rare. Bon, il a sorti quand même rare, quelques morceaux qui nous sortaient là. Je sais plus comment elle s'appelle. Il y a un truc à l'ordi là qui il se fait. Il nous sort un truc avec la batterie, la guitare, la basse. Sac. Mm-hmm. Bel sac. Notamment, il sort un truc à peu près. Et puis après, on part de là. Mais entre quand il sort ça et le moment final, il a rajouté des mélodies. Parce que si on dit la Poya, ça, vous reconnaissez comme étant des descendants de la Poya? Bah on se troque pas. Descendant. Se troque pas. Il y a des. Moi, on peut dire qu'il y a des chansons, qu'il y a des mélodies qui restent. Quand tu écoutes la Poya, il y a des mélodies qui te restent, le chant ou la guitare ou un truc comme ça. C'est vrai qu'on a dans nos morceaux aussi, il y a quelque chose, il y a des parties qui sont comme ça, la guitare aussi. Dans Euskalerias d'Achargaï ou au chant aussi. Il y a des petits bouts comme ça qui te restent dans la tête. Ouais, il y a un peu la Poya, Cortato. Mais moi, ça me fait penser, donc, c'est plus sur le chant que ça me fait penser à la Poya, enfin, la Poya surtout, dans le sens où c'est quand même assez sauvage et c'est, y a, dans l'écriture des textes, il y a quand même, c'est très poétique, mais il y a de l'humour aussi, c'est quand même assez drôle à écouter aussi, comprend le basque. Il y a quand même des passages assez drôles. Et moi, c'est dans ce sens-là que ça me fait penser à ça. Et tout en gardant l'énergie, on va dire, assez pure, quoi, on va dire. Et il n'y a pas de... Comme il y a dans le punk maintenant beaucoup, où le chant assez mélodique, c'est quand même assez... c'est pur et ça envoie, quoi. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça. Ouais. Mais après, en fait, voilà, le truc, c'est qu'on n'est pas des super musiciens, donc... on y met beaucoup d'énergie, quoi. Donc, on passe avec ça, quoi. Ouais, mais après, est-ce que ça, par exemple, Matine, toi, tu le fais exprès ou c'est quelque chose que tu... Est-ce que tu te dis, ouais, si je travaille, je vais devenir chanteur, je vais devenir Florent Pagny, ou est-ce que tu veux garder ça, ou tu veux garder ça, justement, et ne pas travailler et continuer, enfin, ne pas travailler, c'est une chose. Non, mais oui, non, moi, je fais Florent ça pour... Florent Pagny, il a une jolie tête, il a une tête de pervers, regarde. Vous ne voyez pas, hein. Non, en vrai, moi, je fais ça parce que j'aime faire ça, c'est pour... Ouais. C'est pour se défouler aussi quand tu gueules sur un micro. Tu fais sortir pas mal de choses de ton intérieur. Donc, non, je continuerai toujours à gueuler et j'essaye de gueuler mieux. Ouais. C'est bien ça. Il faut que je prenne quelques cours quand même, encore à venir. Et donc, du coup, dans le groupe, il y a deux générations parce que vous êtes père et fils, je crois, Arnaud et Olivier. Guitare et basse, ouais. Et est-ce que ça fait. Pas bizarre de jouer avec son fils, et est-ce que au niveau des attentes du coup de musique, enfin de ce que vous sortez en musique, c'est pas différent, parce que toi t'as peut-être une vision différente de ton fils par rapport à la musique, parce qu'elle a évolué et... Ouais, non, pas du tout, non. Parce qu'en fait lui depuis mais déjà ça fait pas bizarre, ça fait très bon du coup, ouais. Enfin pour moi ça fait très bon. Après, j'ai eu de la chance depuis qu'il avait la sucette. Son premier disque qu'il avait acheté, c'était le deuxième groupe là, de la Poya, comment ça s'appelle ça ? Gatillasso. Gatillasso, voilà. Le premier disque qu'il avait voulu acheter de lui-même, que je lui ai dit t'écoutes et t'achètes, et il était tout petit à sa sucette. Il avait acheté le CD, je pensais qu'il m'avait amené ça dans les mers. C'était une boîte de CD avec deux pistolets roses et le contour c'était tout jaune. Je me suis dit bon, arrête tes conneries, m'achète pas ça, c'est une connerie. Puis finalement quand j'ai écouté, c'était le chanteur de la Poya, c'était Ibalisto. En fait c'est la très bonne musique. Donc du coup il a toujours écouté que ça et que la musique, enfin il écoutait la musique que j'aimais. Oui. Donc j'ai déjà eu beaucoup de chance. Après il écoute beaucoup de musique et il écoute de la bonne musique et qui me plaît aussi, qui plaît à Matine. Et ce qui donc, fait ça passe très très très bien. Donc vous êtes quand même plus ou moins sur la même longueur d'onde, voilà. Tous. Ouais. Ok. Est-ce qu'il t'a influencé lui à l'inverse ? Souvent c'est évidemment les parents qui influencent les enfants. Est-ce qu'à l'inverse il t'a fait lui découvrir des choses ? Ah ouais, bien sûr. Et tu t'es dit putain, c'est trop cool. Tu te redénonces des trucs. Ah oui, il écoute des trucs. Moi j'écoutais beaucoup de musique d'Euskaleri. Et lui à l'inverse, il écoutait pas mal musique étrangère, quoi. Mm-hmm. Ça fait qu'après, ben, voilà, tu t'enrichis un peu plus. Et du coup, là, dans le groupe, quand vous composez, c'est un mélange des deux, ou vous avez quand même une direction un peu fixée? On n'a pas trop de direction. Hein. Ouais. Non, après, lui, il va sortir une base, une mélodie à la basse, et puis qui va être un petit peu en dehors de ce qu'on écoute en Euskaleri. Il y a beaucoup de musique moderne aussi en Euskaleri. Il y a de très très bons groupes qui sortent, là, qui font de la super musique. Et en fait, ça sort un peu de ce qui s'est fait toujours en Euskaleri. Chez nous, ce qui s'est fait beaucoup, c'est quoi, du rock punk, du trash, là, je ne sais pas trop comment on appelle toutes ces musiques-là, bien carton. Et il y a une nouvelle génération qui arrive là, qui font de la très très bonne musique. Avec des sons très modernes. Voilà, moi, j'ai gardé un son... Un peu plus ancien, un peu plus 80, je dirais. De quand j'étais jeune, quoi. Eh bien, je vous propose d'écouter une deuxième chanson. Ouais, qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc la chanson, c'est Urkinaona. Et donc, Mathilde, si tu peux la lancer, c'est avec plaisir. On est de retour, donc c'était AOC Kill Connection avec Urkinaona. Donc une chanson qui est en catalan, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi avoir une chanson en catalan? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Urkinaona? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle veut dire la chanson aussi? Parce que moi je ne parle absolument pas catalan. Urkinaona, c'est le nom d'une rue à Barcelone. D'accord. Et si je me rappelle bien, c'est la rue dans laquelle ça a beaucoup frité. Lors des dernières grosses manifestations pour leur indépendance. Pour leur indépendance et pour le droit à l'autodétermination. Le jour du vote. 2018. C'était 2019, lors du référendum, là, ouais. Et Urquinaola, ouais. C'est cette rue-là. D'accord. Et ouais. Après... Olivier... Ça, c'est une personne qu'on connaît, que j'ai connue de part de ma copine, là. Nouria, qui habite là-bas. Et qui était venue un jour à Souramourdi. Et puis, son frère aussi est grand musicien. Puis je lui ai dit, un jour, si tu as envie de nous écrire une chanson, mais tu dis, ah ouais, je vous la fais. Et puis, bon, après, j'avais le mail avec la chanson. Et voilà. Du coup, on a rentré ça dans... Du coup, dans ce cas-là, vous avez les paroles avant d'avoir la mélodie. Ouais. Donc, t'as dû adapter les paroles, enfin, la mélodie plutôt aux paroles. Ouais. Show. C'est bien souvent comme ça. Okay. Eux, ils composent quelque chose, et puis moi, j'essaie de rentrer les paroles comme je peux là-dedans. Les paroles que tu écris toi ou... Que j'écris moi ou qu'on nous a donné. Est-ce que tu écris d'abord, tu as d'abord les paroles avant de... Ça dépend. Mais la plupart du temps, ouais. C'est-à-dire que moi, là, écrire des paroles, ça me prend comme l'envie de chier. Mmh. C'est comme un exercice, c'est-à-dire que tu réadaptes après ton texte ou celui des autres. Là, dans ce cas-là, tu as... Quand c'est le mien, c'est facile et je peux enlever des mots, ouais. Je m'en fous, ou en rajouter. Quand c'est celui des autres, bon, je demande si je peux quand même. Mais là, j'ai pas pu ni enlever ni rajouter des mots parce que je parle pas très bien catalan. Et on avait rentré ça comme ça. Et c'est une chanson qui parle donc de cette époque-là, de cette rébellion, si on peut dire, qui est très engagée. Et je vous laisse Google Traduction pour traduire les paroles. Où est-ce qu'on peut trouver les paroles pour les avoir? Il faut acheter le CD. L'oreille. Je ne l'ai pas encore acheté, moi. Vous avez les paroles sur le CD que vous pouvez acheter. Il n'y en a plus beaucoup sur Bandcamp. Et sinon, quand vous venez... À 10 euros. Quand vous venez au Pays Basque nous coloniser, ben y en a dans les bars avant. Nous coloniser, ça me plaît. Après, vous chantez, toutes vos chansons sont en basque. Sauf celle-là. Sauf celle-là. Est-ce que c'était une évidence ou est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on pourrait vous entendre chanter dans une autre langue? Autre que le catalan? Ouais. Oui. Français, en espagnol, en anglais? Bah, c'est même pas une évidence. Enfin, oui, on peut dire que c'est une évidence. Je veux dire, la question se posait même pas. De toute façon, on chante en euskara parce que c'est notre langue maternelle et parce que, en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, on veut dénoncer la situation de l'euskalerie. Hein. Ouais. Donc, bon, ça s'est fait tout naturellement. La question se posait même pas. Là, c'était en catalan. Je pense qu'on pourrait chanter dans toutes les langues des nations sans état. D'accord. Et sinon, on a une chanson qu'on chante en anglais lors des concerts, mais c'est tout. Tout ça, c'est une reprise? C'est une reprise des Hives, qu'on n'a pas touchée. C'est là qu'on faisait, quand voilà, qu'on avait fait toutes ces repiques, là. Et en fait, comme on adore la jouer, et qu'elle a vachement de gaz, eh bien, on la garde toujours en souvenir. Voilà. Okay. Un jour, on l'enlèvera. Et tout à l'heure, on en parlait un petit peu en off, justement, des émissions qu'on fait donc avec Matine, et Matine Pérez en français. Mmh, et Matine disait que, du coup, c'était bien aussi de promouvoir le basque, mais en français, pour que, justement, les Français aussi comprennent la situation du Pays basque. Et est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, faire une chanson en français sur la situation du Pays basque, admettons qu'un jour, vous avez un concert à Anglet ou aux fêtes de Bayonne? Je pensais que t'allais dire Bordeaux ou Paris. On s'est allé jusqu'à l'Éry, là. Ou Bordeaux ou Paris. Quand vous voulez. Est-ce que vous pensez pas que ça pourrait... Non, parce que je pense que celui qui aime la musique et qui est intéressé par les paroles, en général, je connais pas mal de gens qui aiment la musique, mais qui aiment surtout aussi les paroles. Mais tu prends, tu lis le texte et après tu fais... Ouais. Soit il y a la traduction sur le CD ou tu te le fais sur le Google. Ouais, ouais. Mais après, on est suffisamment, je pense, pénalisé par la France. Et donc, je ne vois pas, on ne va pas commencer à chanter en français. Franchement, fait, chanter en espagnol et en français, ça ne sera jamais. Parce que c'est les deux états oppresseurs sur notre pays. Et jamais je chanterai, moi, dans leur langue. Okay. Enfin, j'espère que je ne l'ai pas déjà fait, d'ailleurs. Donc, on resterait sur le... Donc, sur du breton, du corse. Ouais. Ouais. Du punk corse. Ça serait pas mal. Pork punk. Après, c'est comme là aussi, on fait ça en français, mais on aurait pu le faire en euskara aussi, puis vous auriez fait la traduction. Ouais, les gens aussi, c'est très bon aussi, les gens, je veux dire, de Bordeaux, je sais pas qui écoutera, d'écouter aussi notre langue, comment ça, oui, comment ça sonne. Moi, j'aime bien aussi. Oui. Rien que de faire l'interview en français, c'est bizarre. Une parce que tout le projet d'Aosagil Collection est conçu, fait, pensé en euskara. Ça fait partie du d'Aosagil Collection, parce que ça fait bizarre de faire une interview en français. Oui, bah, au moins, on serait peut-être un nouveau public qui va s'intéresser aux chansons. Vous allez convertir Bordeaux à bascophilie juste à vous deux. On coûte pas c'est très bon cher, ça. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Vous êtes prêts à jouer. Par contre, vous êtes prêts à jouer partout, en France, Oui. Partout. Okay. Après, pour vos moyens de communication, vous utilisez pas mal Instagram. Est-ce que ça vous fait chier ou est-ce que... D'utiliser Instagram ? Non, en règle générale, de faire la communication, d'utiliser les réseaux sociaux qui sont un petit peu loin... Enfin, les réseaux sociaux, je pense que c'est un petit peu loin de votre idéal... Ouais. Et être obligé d'utiliser ça, est-ce que c'est... Instagram, chez nous c'est Instagram. Ouais, ouais. Non, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que, au contraire ça vous amuse quoi ? Non, c'est intéressant. Tu mets un petit peu ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu vas faire, ce que tu as fait. Et puis tu te fais connaître aussi par rapport à ça. Et puis aujourd'hui le jour, je vois, on a pas mal de contacts ou des demandes pour aller jouer. Tout se fait par... Aujourd'hui le jour. Aujourd'hui le jour, t'as vu sûr. Ça se fait tout par là quoi. Ouais. Y a plus beaucoup. T'es de, plus ou moins un peu obligé d'avoir. Ouais. Si tu veux exister, si tu veux donner accès à ce que tu fais très rapidement aux gens, à n'importe où dans le monde, je veux dire sur Instagram, bon, ils te trouvent. Ouais. Et vous, et du coup, vous utilisez Instagram. Après, j'ai entendu que vous aviez Bandcamp. Votre album, il est sur Spotify. Spotify et le reste, j'imagine. Ouais. Spotify, Deezer, ouais. Et tous les Apple Music, tous les trucs chinois. Je crois tout, que quand tu rentres sur Deezer ou comme ça ou sur Spotify, je sais plus comment c'est Mickaël qui s'en était occupé. C'est peut-être la seule chose qu'il a fait d'ailleurs. Ah pas Mickaël. Sympa. Je crois que du coup ça part, ça se fout partout automatiquement. Ouais, on doit sur Amazon aussi, j'imagine. Ouais. Trop stylé. Je sais pas sur Amazon, mais je sais que du coup pour expliquer aux gens comment ça marche Spotify tout ça, c'est que les artistes passent par un diffuseur. Tu payes un diffuseur selon le truc entre 20 balles par an, 70 balles l'album, j'en sais rien. Et après, c'est eux qui vont mettre à peu près partout. Moi, j'ai déjà retrouvé des trucs à moi sur des sites chinois. c'est très marrant de voir ton logo, je sais pas quoi, avec eux chinois à côté. Et par contre, il a pas mis YouTube. Donc sur YouTube, il y a que 3 chansons, je crois. Non, mais sur YouTube, il y a l'album. Il y en a un. Il y a tout l'album. Mais j'ai pas trouvé. Il y a une page YouTube là où un gars, je sais pas comment on dit ça, mais une chaîne. Une chaîne YouTube qui fout tous les groupes. Et on y est. Okay. Mais si tu nous cherches sur YouTube, tu vas trouver nos vidéos avec notre qualité d'enregistrement de l'époque du confinement. J'ai trouvé 3 chansons. Qu'on n'a toujours pas supprimées d'ailleurs. Et après, tu peux les trouver. Ouais, tu les trouves. Il y a une autre chaîne. Il y a une autre chaîne qui les a publiées. Généralement, c'est le nom de l'artiste avec Topic. Côté je crois que c'est le nom Topic, de la chaîne. Ouais. Ce que j'étais en train de chercher. Donc j'ai mal cherché, c'est ma faute. Voilà. C'est pas grave. Mais après, si vous voulez écouter avec la qualité, il vaut mieux aller sur Bandcamp. Oui, Bandcamp, c'est très bien. Ou venir dans les lives. Hein. Avec la qualité. Écoutez la qualité. Dit-il avec un petit clin d'œil, voilà, je voulais qu'à préciser. Celui-là était très très beau. Et du coup, quand c'est qu'on peut vous écouter sur les... Vous avez des prochaines dates des... Quand Martine, il est là. Pourquoi tu es rarement ça, là? Parce qu'à chaque fois qu'on ne peut pas, c'est toujours ma faute. Faut savoir. Mais... Et donc non, là, ah, c'est bien, bon, on a plus trop de là, on a plus trop de concerts, je crois. Hein. Quand c'est qu'on a le prochain? Juin. Pff. Bon, d'ici là, on va trouver une vieux garage. On a eu pas mal de demandes, mais voilà, je crois qu'il y en a un qui pouvait pas, donc on n'en vit pas non plus, donc. Qu'est-ce que vous avez en juin? On peut le dire ou c'est en juin? C'est encore secret ou on peut le dire? Fête des Ratsu dans le Bastan. Ah ouais. Ok. Et après, en général, c'est vous qui démarchez les... C'est de la prostitution. Ou on vous appelle pas mal. Bon, rarement. Ouais, ça commence un peu. Si, mais si, au là, début, on a fait chier tout le monde pour jouer. On nous a pas mal demandé quand même. Ouais. Parce que, alors, là, vous étiez à La Chasse ce week-end. Ouais. Et moi, je vous avais vu à Bayonne. Vous aviez joué à Bayonne aussi. Ouais. Et alors, une fois... Pour les fêtes. Non, c'était pour la fête pour la fête de la musique, musique ouais. Avec Rune Barnett, je crois. Ouais. Et il y a une fois où je suis allé, il y avait un festival à Elizondo. Est-ce que vous avez joué ou pas? Nekasal Punk. Ouais. Parce qu'en fait, j'y suis allé et je vous ai pas vu. Alors, je sais pas si j'étais trop bourré, je sais pas quand. Ça arrive des fois. Vous êtes passé tôt ou. Nous aussi. On était passé assez tôt, oui. Ah, mais c'est pour ça, parce que. On était passé à 8h30 ou 9h, je crois. Ouais. On m'avait dit, ah, mais il y avait OCLK Connection. Parce que je pouvais pas. C'est vrai. Ils pouvaient quoi ? Non, je pouvais pas, mais ils avaient pris la date, donc j'avais fait aller-retour. Je m'étais fait engueuler, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai. Mais oui. Et du coup, j'avais été. Festival d'ailleurs. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé. Celui qui aime le punk et qui aime. Ouais. Les gens normaux. Comment ça s'appelle ? Nekasal Punk. C'est quoi, c'est chaque année ? Ouais. Ça s'est fait pendant longtemps, ça s'est arrêté pendant longtemps. Et ça reprend cette année ou ça a repris l'année dernière ? Je sais plus. Voilà. C'est quoi ? C'est quelle date, plus ou moins ? C'était en juillet, je dirais, non ? Ah ouais. Non. Mais oui. Non, septembre, mais non, c'était en octobre. C'était le 1er octobre. Mais oui, octobre. C'est ça, octobre. Non, c'était octobre. Et ouais, c'est octobre. Un grand marché couvert. Ouais. Et t'as une scène de chaque côté. Enfin, c'est même pas des scènes, c'était à même le sol. C'était à même le sol. Franchement, c'était ça vraiment. Ça portait bien son nom. Et un groupe finissait. Et l'autre commençait. Instantanément. Tu traversais le marché couvert. Il y a deux scènes en face. Ouais, je crois qu'il y avait 15 ou 16 groupes. Ouais. Ça commençait en fin d'après-midi jusqu'à je sais pas quelle heure. Ça n'arrêtait pas. Ah ouais. Moi, je restais jusqu'à la fin. Je crois que c'était 5-6 heures du matin. Tout. Ça a tartiné quelque chose. Ouais. Ouais. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas parce que je m'en souvenais pas. C'était parce que vous avez joué, toi. T'étais déjà bourré. Non, je suis arrivé un peu plus tard. J'étais un repas juste avant. Ouais. Non, mais ça arrive. T'as vomi aussi. Oui. Ça arrive. J'ai même vomi sur quelqu'un. Ah, tu demandes. Ça arrive aussi, ça. Il y avait une nana qui arrivait, j'ai demandé d'où elle était. Elle m'a dit, moi, je suis une enfant du monde et je pense que ça m'a un peu pris la tête. Tu l'as germé dessus. Et je pense que c'est sorti. Je pense que mon corps a parlé de moi-même. T'es rentré avec, non ? Non. Ouais, je suis rentré avec personne. Hein. Je vous le dis de suite, j'étais séché. Ben sur ces belles paroles, je pense qu'on va finir pour la première partie, donc pour la première émission pour les auditeurs. C'est ça, on va se retrouver dans deux semaines pour les auditeurs. Nous, on va faire une petite pause, on va recommencer, on va finir cette interview tranquillement. Et donc voilà, Mileshkar, on vous écoute sur toutes les plateformes, Badoc, Bandcamp en particulier, et concert pour l'instant en juin. En juin. Mais de toute façon, il faut vous suivre sur Instagram bien sûr. Pour savoir tout ça. Allez, c'est parti, dans deux semaines, salut!